Chapitre 11e. Ce fut Madame de Lucilière qui remplit le rôle de maîtresse de maison dans la fête qu'elle avait voulu que le colonel donnât en prenant possession de son hôtel. Rentrée chez elle le mercredi à minuit, comme si elle arrivait directement de Montlignon, ce qui sauvait les apparences, un jour de 24 heures ayant été seulement perdu dans le trajet de la gare du Nord à la rue de Courcelles, elle revint chez le colonel le jeudi, de bonne heure, pour veiller à l'organisation du dîner et de la soirée. Et ce leur fut une journée nouvelle à passer ensemble, non plus, il est vrai, tout d'abord dans l'intimité du tête-à-tête et porte close, mais porte ouverte, et devant les gens de service qui se tenaient à leur poste, depuis les cuisines du sous-sol jusqu'à la lingerie des combles. Exécutant fidèlement les ordres qu'il avait reçus, Horace, promu aux fonctions d'intendant général, avait réuni tout le personnel dès 9 heures du matin et l'avait mis aussitôt au travail. Fier de commander à des blancs et surtout à des blanches, il était vraiment magnifique d'importance et si le colonel l'avait été en ce moment disposé à la plaisanterie, il eût bien ri de le voir traverser les appartements, le jarret tendu, les épaules effacées, la tête haute et les yeux à 15 pas devant lui, les mains derrière le dos, dans l'attitude d'un grand seigneur de théâtre qui passe la revue de ses valets. Mais la marquise, qui ne perdait jamais le sentiment des choses drôlatiques et qui eût ri à son lit de mort d'un personnage comique, s'amusait fort de ce spectacle et prenait elle-même un malin plaisir à mettre exprès Horace et le maître d'hôtel en présence. Assez à son aise avec les valets inférieurs, Horace, en effet, était troublé toutes les fois qu'il avait une observation à adresser au maître d'hôtel, qui était un personnage digne et majestueux, portant jusque dans sa cravate la conviction de sa supériorité. Oubliant parfois son nouveau grade, Horace lui parlait à la troisième personne. Puis, se reprenant aussitôt, il terminait brusquement la conférence par un geste sec, comme il convient, d'ailleurs lorsqu'il s'agit d'un subalterne. Quant au maître d'hôtel, qui savait parfaitement que le nègre possédait la confiance de son maître et tenait même les cordons de la bourse en tout ce qui touchait la maison, il écoutait les observations qu'il lui faisait, qu'elles fussent trop polies ou trop sèches, avec un même visage impassible. Pas un muscle de sa face bien rasée qui bougea. Seulement, de temps en temps, passait dans ses yeux mi-clos un sourire imperceptible que la marquise traduisait facilement. « Si tu crois que je te respecte, Moricaud, tu sais que tu te trompes joliment. Je t'écoute parce que je suis payé pour cela, mais je te méprise comme la boue de mes souliers. Si un homme tel que moi peut souiller ses souliers debout, tu n'es qu'un singe de grande taille, comme ton maître n'est qu'un parvenu de grande fortune. Moi, je suis un Parisien, pauvre, il est vrai. Mais cela n'empêche pas que pour l'intelligence et les belles manières, je suis le roi de la création. » Volontiers. Elle se fût ingéniée à renouveler ses petites scènes, ce qui lui était facile, en donnant des ordres à Horace pour qu'il les transmît au maître d'hôtel. Mais voyant que le colonel ne prenait pas le même plaisir qu'elle à cette plaisanterie et même s'en impatientait, elle l'abandonna. D'ailleurs, elle avait mieux à faire que de perdre son temps dans ses distractions. C'était elle qui avait adressé les listes d'invitations pour le dîner et la soirée. Elle avait à repasser ses listes pour voir décidément qui elle aurait. À l'exception de son ministre, de ses banquiers et de quelques Américains avec lesquels il avait des relations d'amitié et qu'il avait dû par conséquent inviter, le colonel avait laissé toute liberté à Madame de Lucilière. Il prêtait son hôtel et son nom. En réalité, c'était la marquise de Lucilière, ou plus justement la belle Henriette, comme on l'appelait dans le monde de son intimité, qui donnait cette fête pour son plus grand agrément à elle, pour celui de ses amis, et pour la mortification de ses rivales ou de ses envieuses. « Il y avait longtemps, lui avait-il dit lorsqu'il avait été question de dresser cette liste, que j'ai dans l'esprit une fantaisie qu'il m'a toujours été impossible de réaliser. C'est de donner une fête dans laquelle ne paraîtraient que de jolies femmes et des hommes remarquables à un titre quelconque, par leur nom, leur esprit, leur talent ou même leur beauté. Cela semble bien simple, n'est-ce pas? Cependant, malgré toute l'envie que j'en avais, je n'ai jamais pu y arriver chez moi, attendu que les invitations sont toujours dominées par des considérations de famille, de relations, de position, qui rendent un choix comme je le veux tout à fait impossible. Vous, Par suite d'un hasard merveilleux, vous êtes en dehors et au-dessus de ces considérations. Vous n'avez pas de famille. » Le colonel eut une contraction que Madame de Lucilière remarqua, mais sans comprendre toute l'étendue du sentiment qu'elle trahissait. « J'entends, dit-elle en s'interrompant, que vous n'avez pas une famille qui se fâchera de n'être pas invitée à une soirée de gala, car je ne pense pas qu'il y aurait là un plaisir pour votre oncle tel que je le connais, ni même pour votre petite cousine. Pensez-vous le contraire ? Non. J'ai donc raison de dire qu'en ce qui touche cette soirée, vous n'avez pas de famille, et je vous assure, mon cher ami, que c'est parfois un agréable soulagement. Vous n'avez pas davantage de relations puisque vous arrivez à Paris. Enfin, par votre position indépendante, vous n'avez de ménagement à garder envers personne. Nous sommes donc libres d'inviter qui bon nous semble et de ne choisir que ceux qui réunissent les conditions que j'énumérais tout à l'heure. Cela vous convient-il ainsi ? Tout ce qui vous plaît est fait pour me plaire. Je veux qu'être reçu chez vous soit une distinction. Je vous suis reconnaissant de cette ambition. Mais si je me montre exigeant envers mes invités par contre ne se montreront-ils pas justement exigeants envers moi ? Vous avez peur que ceux à qui vous adresseraient une invitation ne l'acceptent pas. Pour moi, c'est assurément ce que je ferai. Le colonel Chamberlain ? Qu'est-ce que c'est que le colonel Chamberlain ? Un marchand de pétrole ? Je ne vais pas chez ces gens-là. Ce n'est pas ainsi que les questions se poseront. Une invitation du colonel Chamberlain. Le riche américain, celui qui a failli être assassiné en allant chez la marquise de Lucilière ? Celui qui vient d'acheter l'hôtel Noncevaux ? Irons-nous ? On dit que tout Paris y sera. Ah non, pas tout Paris, les invitations ont été sévèrement choisies. Alors c'est différent, il faut voir ça. Quand le monde parisien prononce ce mot, il faut voir ça, on fait de lui son qu'on veut. Il irait chez le diable, si le diable ouvrait ses salons aux curieux. En tout cas, ceux qui pourraient être plus difficiles viendront, par cette raison que je les en prierai. Soyez donc tranquilles sur le sort de vos invitations et laissez-moi seulement les faire à mon gré. Aussitôt, elle avait commencé à écrire les noms qu'elle choisissait, et les premiers inscrits avaient été ceux de Lord Ferguson, Serkis Pacha, le prince Seratov, le duc de Mestosa. Comme sa main courait rapidement sur le papier, le colonel l'avait arrêté. « Est-ce que vous trouvez que ces messieurs réunissent en eux les conditions que vous exigiez tout à l'heure ? Est-ce pour son talent que vous invitez Lord Ferguson ? Le duc de Mestosa mérite-t-il l'honneur que vous lui faites par son esprit ? Serkis Pacha est-il choisi pour sa beauté ? Ils sont de mon intimité. » avait-elle répondu en riant, « et cela suffit pour que je ne puisse pas ne pas les inviter. C'est également comme si vous n'invitiez pas le prince Mazzazzoli et sa nièce, le baron Lazarus et sa fille. Je ne tiens pas du tout à les avoir, vraiment, ni Ida, ni Carmelita, ni l'une ni l'autre. Il faut cependant que nous les ayons. D'ailleurs, elles sont assez jolies pour entrer dans mon programme. Alors, à la suite de ces noms, je vous prie d'inscrire ceux de Jonathan Wright et de Belinda Wright. « Et qu'est-ce que c'est que M. Jonathan Wright et que Madame ou Mademoiselle Belinda ?»« Miss Belinda Wright, fille de Jonathan Wright, le plus riche marchand de viande salée de Cincinnati. »« Un charcutier alors ?»« Précisément, comme je suis un épicier. Seulement, la fortune du charcutier égale celle de l'épicier. De plus, Belinda Wright est digne de votre choix par sa beauté. Enfin, ils sont de mon intimité et j'ai failli devenir le mari de Belinda. Arrivé depuis peu à Paris, ils auraient le droit de se fâcher si je les oubliais. » « Écrivons Jonathan Wright et Belinda Wright. La fortune est un titre comme le talent ou la beauté. » Quand la liste générale avait été close, Madame de Lucilière l'avait reprise pour voir quel nom serait admis au dîner. « Je voudrais, avait-il dit alors, que vous fussiez placé vis-à-vis de moi, si cela ne vous paraît pas trop caractéristique. Je suis au-dessus des critiques de ce genre. Maintenant, voulez-vous me permettre de vous demander qui vous placerait à vos côtés ?» Mais Serkis Pacha à droite et le prince Seratov à gauche. Ah, est-ce que cela ne vous convient pas ainsi ? S'il avait été brave, il aurait franchement déclaré que cet arrangement le désespérait. Lorsqu'il avait commencé à s'attacher à Madame de Lucilière, l'intimité de celle-ci avec ceux qui formaient sa cour lui avait été assez indifférente. Si les propos du monde étaient vrais, que lui importait ? Madame de Lucilière était une femme facile, disait-on. Eh bien, tant mieux, elle le serait pour lui. Mais à mesure que cet attachement s'était développé, l'indifférence à propos des sentiments que la marquise pouvait inspirer à ceux qui l'entouraient avait diminué. Bientôt même, elle avait été remplacée par une véritable jalousie. Facile pour lui, sa chère Henriette ne devait pas l'être pour d'autres. Cependant, il n'aurait jamais osé montrer ouvertement cette jalousie. Comment dire à une femme qui portait si haut le respect de la maison conjugale ? La présence de ces étrangers me gêne, leur assiduité me fait souffrir. Eût-elle toléré une pareille observation ? En cette circonstance, Il avait eu un peu plus d'audace qu'à l'ordinaire et, sans aller jusqu'à affirmer son mécontentement, il avait voulu néanmoins l'indiquer. « Si vous mettez Serkis Pacha et le prince Eratov près de vous, avait-il dit, je vous prie de placer Belinda près de moi. »« Ah, vraiment ?» Et elle l'avait regardé au fond des yeux, puis tout à coup, partant d'un éclat de rire. « Vous savez, cher ami, que si vous voulez exciter ma jalousie, vous perdez votre temps. Belinda fut-elle une merveille, je n'en serais pas jalouse. C'est un sentiment qui m'est absolument inconnu, je ne le comprends même pas. Je ne serai donc jamais jalouse de vous, mais par réciprocité, je vous demande de n'être jamais jaloux de moi. » C'était ces listes ainsi dressées qu'il s'agissait de vérifier en les comparant aux réponses pour voir quel serait au juste le nombre des convives du dîner. Comme ils étaient occupés à cette vérification, assis l'un près de l'autre devant une table dans un petit salon, Horace ouvrit tout à coup la porte avec une brusquerie peu en rapport avec l'importance de ses nouvelles fonctions et qui eût assurément fait hausser les épaules de pitié au maître d'hôtel. « Monsieur le marquis de Lucilière vient d'arriver, » dit-il d'une voix saccadée. « Eh bien, qu'on le fasse monter, » répondit tranquillement la marquise, sans même lever la tête. Puis, comme le colonel reculait sa chaise pour s'éloigner d'elle, « Ne vous dérangez pas, » dit-elle. « Tout ce que je vous demande, c'est d'écouter avec complaisance les observations du marquis, s'il juge à propos de vous en adresser, ce qui est probable. Au reste, vous verrez qu'elles pourront vous être utiles. Le marquis est un maître de maison incomparable. » Ce n'était pas la première fois que le marquis se présentait à l'hôtel, et souvent il était venu le visiter pendant les travaux, notamment les écuries qu'il avait fait aménager d'après ses plans et dans lesquelles il avait installé les chevaux qu'il avait lui-même achetés. Il ne dérangea donc pas longtemps le tête-à-tête de sa femme et du colonel, et après avoir visité les appartements de réception, le lorgnon sur le nez, en furetant partout, mais plus rapidement qu'à l'ordinaire, il se déclara satisfait. « Mon cher colonel, dit-il, je vous fais mon compliment, tout cela est parfait et du meilleur goût. » Il se tourna vers la marquise, comme pour lui demander s'il ne rentrait pas avec lui. Mais celle-ci, prévenant sa question, déclara qu'elle avait encore à travailler avec le colonel. « Je ne rentrerai guère à l'hôtel que pour m'habiller, dit-elle. « Si vous voulez bien être prêt pour 7 heures, nous viendrons ensemble. »« Parfaitement. » Et après avoir serré la main du colonel stupéfait, il se retira. Lorsque le colonel, revenant de le reconduire, entra dans le salon, il trouva la marquise debout, le visage souriant. « Maintenant que cette visite que j'attendais est passée, dit-elle, nous pouvons être librement, l'un à l'autre, jusqu'à 6 heures. Fermez la porte, mon cher Édouard, et ne pensons plus qu'au présent, moi à toi, toi à moi. Enfin !» Cependant, un peu avant 6 heures, elle voulut reprendre son rôle de maîtresse de maison. « Non, dit-elle, un dernier coup d'œil. Laisse-moi te voler 5 minutes au profit de tes invités. N'allez-vous pas être à eux pendant toute la soirée, puisque nous serons en face l'un de l'autre. Mais à propos de ces invités, j'ai 2 demandes à vous adresser. La première, c'est de me laisser fermer cette porte dont j'emporterai la clé pour ne vous la remettre qu'en sortant d'ici cette nuit la dernière. Votre maison va appartenir à tout le monde ce soir. Je ne veux pas qu'une autre femme que moi puisse entrer dans cette chambre, car chez un garçon, on se croit volontiers tout permis. « Ce n'est pas de la jalousie, croyez-le bien, mais c'est un sentiment plus haut, le respect de nous-mêmes. » Il ferma la porte lui-même et lui remit la clé. « Ma seconde demande, dit-elle en prenant son bras pour parcourir de nouveau les appartements, est d'un ordre tout différent. Je voudrais que vous me fissiez le serment de ne pas jouer. Il n'y a pas besoin de serment, une simple promesse suffit. Eh bien, alors promettez-moi de ne pas jouer. » La facilité avec laquelle vous perdez votre argent a tenté bien des cupidités. Je ne veux pas que l'homme que j'aime, que j'ai choisi entre tous, se laisse entraîner à devenir un joueur. Que vous importe l'argent gagné au jeu? À rien, n'est-ce pas? Vous n'en avez pas besoin. Alors ne jouez pas, et conservez pour un meilleur usage celui que vous pourriez perdre. Je ne jouerai pas, je vous le promets. Ils parcoururent lentement les appartements. Tout était prêt, et parfaitement en ordre. Mais les lumières n'étaient pas encore allumées pour ne pas donner trop de chaleur. Dans la demi-ombre du soir, la table de la salle à manger, couverte d'argenterie et de cristaux, lançait des éclairs. Des vases, des corbeilles et des jardinières où les fleurs avaient été gracieusement disposées s'exhalaient des parfums qui troublaient légèrement la tête. La marquise était radieuse. « Si votre hôtel brûlait ce soir, dit-elle, porte close, sans que personne puisse échapper, le monde parisien serait décapité demain. Nous aurons une belle soirée. » Et si elle vous plaît, nous en aurons beaucoup d'autres. Que ne ferai-je pas pour voir votre sourire? Pour le moment, je ne vous demande qu'une chose, soyez charmant avec les femmes, hautain avec les hommes. La marquise avait une qualité rare entre toutes. Elle faisait chaque chose, même sa toilette, légèrement, rapidement, pour ainsi dire sans qu'on s'en aperçût. À 7h30, accompagnée du marquis, elle était de retour chez le colonel. Personne n'était encore arrivé. Mais bientôt, les invités au dîner firent leur entrée les uns après les autres. Le colonel se tenait dans le premier salon pour les recevoir. La marquise, dans le second, mais placée de telle sorte qu'elle voyait chacun arriver. À un moment, elle quitta le second salon pour venir dans le premier. Une jeune fille, accompagnée d'un vieux monsieur au visage rouge, venait d'entrer. Cette jeune fille, qu'elle ne connaissait pas, était admirablement jolie, quoique très maigre et très pâle. Ce ne pouvait être que Belinda Wright. Sans affectation et en prenant au contraire un air indifférent, la marquise s'approcha doucement pour entendre les paroles qui s'échangeaient entre cette jeune américaine et le colonel. « Il n'est pas étonnant que vous me trouviez changé, » disait-elle. « J'ai engraissé de 3 livres depuis que je suis en Europe. À Londres, le 13 mars, je pesais 89 livres. Au Havre, le 5 avril, 90 livres. À Paris, le 17 mai, 91. Il y a progression constante. » « Vous mangez toujours des tranches de Johnny Cake ?»« Ah non, je préfère la pâtisserie parisienne, qui est excellente. Je vous recommande le pâtissier de la Bourse, celui de... » La marquise s'éloigna comme elle s'était approchée, elle en savait assez. Pendant ce temps, le baron Lazarus et le prince Manzazoli s'étaient retirés dans un salon où il n'y avait encore personne. « Quand je pense, disait le baron, que j'ai la naïveté de vous féliciter il y a quelque temps à propos d'un certain mariage. Il est vrai, vous voyez qu'il ne faut jamais se presser. « Dame, cela me paraissait si évident que je me croyais certain de ce que je voyais et que je ne voulais pas attendre pour vous en féliciter. En effet, qu'est-ce que je désire, moi, le bonheur de mes amis ?» Et le baron Lazarus, ému au point d'avoir les yeux mouillés, serra la main du prince Manzazoli, qui se prêta cette marque de sympathie de la meilleure grâce du monde, en penchant en avant sa longue échine flexible. « Et vous êtes de mes amis, des meilleurs, » continua le baron. « Comme vous êtes des miens, » répliqua le prince. C'est précisément pour cela que dans une simplicité égale à la vôtre, et qui, comme la vôtre, prenait sa source dans l'intérêt que je vous porte, j'avais cru pouvoir, moi aussi, vous féliciter de mon côté à propos de ce mariage. Eh bien, nous nous trompions tous deux. Ce qui prouve, nous pouvons bien nous dire cela, que nous sommes l'un et l'autre de pauvres observateurs. Je n'ai pas la prétention d'en être un, ni moi non plus. Aussi, faut-il reconnaître que nous pouvons très bien nous tromper en ce moment et avouer que ce que nous croyons voir peut ne pas exister. Parfaitement. Seulement, cela peut exister aussi, et alors je me demande comment et quand cela finira. Et pourquoi voulez-vous que cela finisse? Parce que ces liaisons ne sont pas éternelles. Souvent aussi, elles sont courtes, dit le baron après un moment de réflexion. Combien de causes les abrègent? Sans compter que parfois les maris ouvrent les yeux. Et que quand ils ne les ouvrent pas eux-mêmes, il se trouve des gens pour les leur ouvrir plus ou moins adroitement. Le monde est si méchant, à Paris surtout, où les langues sont terribles. À ce moment, les deux battants de la porte de la salle à manger furent poussés du dedans par le majestueux maître d'hôtel. Le dîner était servi.